something. Squad up, gang. Squad up, we drop. Drop up on time. Je sais plus quoi faire, Miyama. Les quêteurs sont là, tous sont posés comme le Mirador. Y'a que des pirates dans le vaisseau. Tu niques ta mère la pute, tu n'es pas bienvenue à bord. J'y repars, on fait ses courses au Fari. C'est la peignerie, mais c'est plus chaud qu'en Safari. J'ai les outils, cette putain est remplie de vie. Elle retourne pas sa veste pour de l'oseille et des affaires. Fais la bimbo, elle fait la mise. T'as joué le titre, donc elle te l'a mise. Tu fais des va-et-vient, ta cellule est armée. C'est chaud mon ami, oui c'est chaud mon ami. Je suis à deux doigts de braquer une biche. Je me dis nique sa mère si on prend du fiche. Je te laisse tous en train de jacter. De toute façon c'est pas elle qui me donne la main. En ingénierie, autant de crise. Y'a toujours la moto pour aller braquer la biche. Elle fait la bimbo, elle fait la mise. Elle donne son cul pour aller s'acheter des jeans. Ah ouais c'est chaud. Mais tu dis toujours après, j'en ai marre.